sans même que s'ouvrent des hostilités. Le monde est menacé d'un effondrement économique. La méfiance et le soupçon règnent partout. Sous nos yeux, les camps se forment, les armées se groupent, une horrible lutte se prépare en Europe. Notre continent va-t-il se suicider dans une guerre effroyable? Il ne connaîtrait ni vainqueur ni vaincu, mais où sombreraient les valeurs spirituelles et matérielles créées par des siècles de civilisation. Thank you.